Voici maintenant une capsule de la série La véritable histoire de l'exorcisme d'Émilie Rose, présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. Annelise Michel était-elle finalement malade ou possédée? Que s'est-il donc passé à Klingenberg am Main entre septembre 1968 et le 1er juillet 1976? Des phénomènes étranges, sans aucun doute, car même l'approche scientifique, médicale, n'a fourni ni explication valable à ce qui se produisait, ni traitement efficace. Mais étrange ne signifie pas obligatoirement paranormal. Alors que peut-on conclure, si tant est qu'il soit possible de le faire? Dans un premier temps, observons le cas avec un œil médical en partant de l'hypothèse qu'Annelise était malade. Deux diagnostics ont été portés à plusieurs reprises, celui d'épilepsie d'une part, celui de psychose d'autre part. L'épilepsie a été précisée de type grand mal ou tonico-clonique dès le début des symptômes, ce qui semble difficile à admettre car ce type d'épilepsie s'accompagne d'une perte de conscience totale pendant la crise et d'une amnésie post-critique. Or, Annelise décrit elle-même certains symptômes, par exemple celui de s'être sentie uriner lors des crises, des urines chaudes, précise-t-elle, ce qui exclut la perte de conscience et donc a priori le diagnostic. Un autre type d'épilepsie avait été évoqué un peu plus tard, celui d'épilepsie temporale gauche. Les hallucinations olfactives, telles que présentées par Annelise, et si l'on admet qu'il s'agissait effectivement d'hallucinations, font partie de cette maladie, mais la variété et la violence des manifestations ne peut s'expliquer par une épilepsie temporale seule. Par ailleurs, et bien que cela n'exclut pas forcément le diagnostic, l'autopsie n'a trouvé aucune lésion cérébrale, lobes temporaux inclus. Le diagnostic de psychose dans un deuxième temps. Annelise a sans doute présenté un certain nombre de manifestations de nature a priori psychotique, entre autres ses nombreux contacts avec la Vierge Marie et le caractère quasiment sacrificiel de ses derniers instants. Toutefois, elle semble avoir conservé, au moins en bonne partie, ce que la psychiatrie nomme « sens de la réalité », c'est-à-dire que la jeune fille était la plupart du temps consciente d'avoir un grave problème de santé et souhaitait que ce problème soit traité. Les vrais psychotiques, eux, ont plutôt tendance à nier leur problème. Par ailleurs, les gouttes d'Aolept, prescrites par le docteur Siegfried Lüthi, sont habituellement destinées aux névrosés, non aux psychotiques. La réalité vécue par Annelise Michel est peut-être à chercher ailleurs, à la frontière entre les psychiatries cliniques et transculturelles, au-delà de ce qui ne s'accepte que lorsqu'expliqué. La tombe de la jeune fille est bien entendu devenue un lieu de pèlerinage où se côtoient ceux qui croient et ceux qui ne sont venus que pour voir. Mais personne ne saura jamais si le diable est effectivement passé par Klingenberg am Main dans les années 1970. Vous venez d'entendre une capsule de la série « La véritable histoire de l'exorcisme » d'Émilie Rose, présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou.